Premier discours, deuxième partie, de Dès ou Décius à Constantin. La véritable histoire des barbares s'ouvre avec le règne de Dès. On les va maintenant mieux connaître. Ils vont donner un autre mouvement aux affaires, ils vont mêler les races, multiplier les malheurs, accomplir les destinées du vieux monde, commencer celles du monde nouveau. Aux courses rapides, aux incursions passagères que les Calédoniens faisaient dans la Grande-Bretagne, les Germains et les Francs dans les Gaules, les Cades et les Marcomans sur le Danube, les Perses et les Sarrasins en Orient, les Maures en Afrique, succéderont des invasions formidables. Les Goths paraîtront, les autres barbares campés sur les frontières les pousseront, les suivront. Il semble déjà que le bruit des pas et les cris de cette multitude font trembler le Capitole. Les Goths, peut-être de l'ancienne race des Suèves, et séparés d'elle par Cotuald, les Goths, fils des conquérants de la Scandinavie, dont ils avaient peut-être chassé les Cimbres, avaient étendu leur domination sur une partie des autres barbares, les Bastarnes, les Vénèdes, les Sasiges, les Roxolans, les Slaves ou Vandales, ou Esclavons, les Antes et les Alains, originaires du Caucase. Odin, leur premier législateur, fut aussi leur dieu de la guerre, à moins qu'on ne suppose deux Odins. En le plaçant dans le ciel, ils ne firent qu'une seule et même chose, de la loi et de la religion. Odin avait un temple, à Uppsala, où l'on immolait, tous les 9 ans, 2 hommes et 2 animaux de chaque espèce, si toutefois Odin, Uppsala et son temple existaient dans ces temps reculés, ou si même ils ont jamais existé. Dans le siècle des Antonins, au moment où l'Empire romain arrivait au plus haut point de sa puissance, les Goths firent leurs premiers pas et s'établirent à l'embouchure de la Vistule. Les colonies des Vandales, ou sorties de leur sein, ou Slaves enrôlés à leur suite, se répandirent le long des rivages de l'Oder, des côtes de Mecklembourg et de la Poméranie. Les Goths, séparés en Ostrogoths et en Visigoths, Goths occidentaux et Goths orientaux, se subdivisèrent encore par bandes ou tribus sous les noms d'Hérules, de Gépides, de Burgondes ou Bourguignons, de Lombards. Si l'on ne veut pas que ces derniers soient d'origine gothique, il faudra du moins admettre qu'ils étaient devenus Goths par la conquête et qu'ensuite détachés de la confédération gothique quand celle-ci vint à se briser, ils fondèrent les monarchies des Burgondes et des Lombards. Les Goths levèrent leur camp, firent un second pas, se montrèrent sur les confins de la Dacie et bientôt arrivèrent au pont Euxin. Le roi, qui gouvernait alors leur monarchie héréditaire, se nommait Amala. Il prétendait descendre des Ances ou demi-dieux des Goths. Trajan, en subjuguant les Daces au-delà du Danube, rendit sans le savoir l'empire voisin de ses destructeurs. Les Goths ne furent connus sous leur véritable nom que pendant le règne de Caracalla. Quand Rome l'eut appris, elle ne l'oublia plus. Fiers de leur conquête, grossis de toutes les hordes qu'ils s'étaient incorporées, les Goths, comme un torrent enflé par des torrents, se précipitèrent sur l'Empire vers l'époque de la chute de Philippe et l'élévation de son successeur. Conduits par leur roi Cniva, ils inondent la Dacie, franchissent le Danube, forcent Martianopolis à se racheter, se retirent, reviennent, assiègent Nicopolis, emportent Philippopolis d'assaut, égorgent 100 000 habitants, et emmènent une foule de prisonniers illustres. Chemin faisant, ils s'amusent à donner un maître au monde. Sauvages, demi-nus, ils accordent la pourpre à Priscus, frère de Philippe, qui la leur avait demandée. Dès s'accourt avec son fils pour s'opposer à leur ravage, trahi par Gallus, qui veut aussi recevoir l'empire de la main des barbares, attiré dans un marais, il y reste avec son fils et son armée. Dès, prince remarquable d'ailleurs, qui vit commencer la grande invasion des barbares, s'était de même armé contre les chrétiens. Impuissant à repousser les uns et les autres, il ne put faire face aux 2 peuples à qui Dieu avait livré l'Empire. Cette persécution amena des chutes que saint Cyprien attribue au relâchement des mœurs des fidèles. Dans l'amphithéâtre de Carthage, le peuple criait « Cyprien au lion !» L'éloquent évêque se retira. Denis d'Alexandrie fut sauvé. Ses disciples le cachèrent. Grégoire le thaumaturge invita ses néophytes à se mettre en sûreté et se tint lui-même à l'écart sur une colline déserte. L'exécution du prêtre Pionius à Smyrne de Maxime en Asie et de Pierre à Lampsac est resté dans les fastes de la religion. Le pape Fabien confessa d'âme et de corps le 20 janvier 250. À compter de son martyre, les années du pontificat romain deviennent certaines, comme l'ère du Christ est fixée à la croix. Alexandre, évêque de Jérusalem, Babylas, évêque d'Antioche, qui avait obligé l'empereur Philippe et sa mère à se mettre au rang des pénitents la nuit de Pâques, périrent dans les cachots. L'un, vieillard, était éprouvé pour la seconde fois, l'autre voulut être enterré avec ses fers, Origène, cruellement torturé, résista. Un jeune homme de la basse Thébaïde, nommé Paul, fuyant la persécution, trouva une grotte ombragée d'un palmier et dans laquelle coulait une fontaine qui donnait naissance à un ruisseau. Paul s'enferma dans cette grotte, y vécut 90 ans, et remporta cette gloire de la solitude qui a fait de lui le premier ermite chrétien. Divers évêques fondèrent des églises dans les Gaules, Denis à Paris, Gatien à Tours, Strémoine à Clermont en Auvergne, Trophime à Arles, Paul à Narbonne, Martial à Limoges. Après le martyre de Fabien, 3 évêques proclamèrent pape Novatien, premier antipape, chef du premier schisme. Le clergé avait élu de son côté Corneille, homme d'une grande fermeté. Il y eut vacance du siège pendant 16 mois. On comptait alors à Rome 46 prêtres, 7 diacres, 7 sous-diacres, 42 acolytes, 52 exorcistes, lecteurs et portiers, 1500 veuves et autres pauvres nourris par l'Église. 16 évêques avaient concouru à l'ordination de Corneille, confirmée par le peuple. Les soldats de Jupiter faisaient des tyrans, les soldats du Christ des saints, différence des 2 empires. Gallus, proclamé Auguste, avec Hostilien, second fils de Dèce, s'engage à payer aux Goths un tribut annuel. Ils consentent à ce prix à respecter les terres romaines. On tient les conditions qu'on reçoit, non celles qu'on impose. Les Goths manquent à leur parole, une peste effroyable se déclare. Gallus fait exécuter Hostilien, fils de Dèce, et le remplace par son propre fils. La persécution continue, 2 papes, Corneille et Lucius Ier, y succombèrent. Émilien bat les Goths en Mésie et prend la pourpre. Gallus marche contre lui, les troupes de Gallus se révoltent, le tuent, lui et son fils, et passe sous les aigles d'Émilien. Valérien amenait au secours de Gallus les légions de la Gaule. Celles-ci, en apprenant la mort de l'empereur, proclament Valérien. Émilien est assommé à son tour par ses soldats. Valérien partage la puissance avec son fils Gallien. Un tyran s'était élevé sous le règne de Dèce, un autre sous celui de Gallus. Éprouvé par les emplois militaires et civils, député des 2 premiers Gordiens au Sénat, Valérien se trouva mêlé à toutes les affaires de son temps. La censure lui fut déférée d'une commune voix lorsque les 2 Décius rétablirent cette magistrature réunie à la dignité impériale. La vie de Valérien, disait-on, censure perpétuelle, retraçait les mœurs de la vénérable antiquité. Pourtant, Valérien n'était qu'un génie raccourci qui n'avait pas la taille de sa fortune. Gallien, que son père avait fait Auguste, alla commander dans les Gaules. Le père et le fils couraient de tous côtés pour s'opposer aux barbares. Ils étaient aidés d'habiles capitaines, Posthume, Claude, Aurélien, Probus, qui se formaient à l'école des armes par des crimes et par la nécessité. Les Germains, peut-être de la Ligue des Francs, envahirent la Gaule jusqu'aux Pyrénées, traversèrent ces montagnes, ravagèrent une partie de l'Espagne et se montrèrent sur les rivages de la Mauritanie, étonnés de cette nouvelle race d'hommes. Ils furent combattus et repoussés par Posthume sous les ordres de Gallien. Les Alamans, autres Germains, au nombre de 300 000, s'avancèrent en Italie jusque dans le voisinage de Rome. Gallien les força à la retraite. Les Gaules, les Sarmates et les Quades trouvèrent Valérien en Illyrie, qui les contint, assistés de Claude, d'Aurélien et de Probus. La Scythie vomissait ses peuples sur l'Asie mineure et sur la Grèce. Il est probable que ces Scythes borans, qui se débordèrent alors, n'étaient autres qu'une colonne de Goths, vainqueurs du petit royaume du Bosphore. Ils s'embarquent sur le pont Euxin, dans des espèces de cabanes flottantes, se confiant à une mer orageuse et à des marins timides. Repoussés en Colchide, ils reviennent à la charge, attaquent le temple de Diane et la ville d'Oétan, qui immortalisèrent la fable et le génie des poètes, emportent Pythionte, surprennent Trébizonde, ravagent la province du Pont et, enchaînant les Romains captifs aux rames de leur vaisseau, retournent triomphants au désert. D'autres Gauls et d'autres Scythes, qu'encourage cet exemple, font construire une flotte par leurs prisonniers, partent des bouches du Tanaïs et voguent le long du rivage occidental du pont Euxin. Une armée de terre marchait de concert avec la flotte. Ils franchissent le Bosphore, abordent en Asie, pillent Chalcédoine, entrent dans Nicomédie, où les appelait le tyran Chrysogonas, saccagent les villes de Lius et de Pouze, et se retirent à la lueur des flammes dont ils embrasent Nicée et Nicomédie. Pendant ces malheurs, Valérien était allé à Antioche. Il s'occupait d'une autre guerre, à lui fatale. Sapor, invité par Cyriade, aspirant à l'Empire, était entré en Mésopotamie. Nisibe, Car et Antioche devinrent sa proie. Valérien arrive, rétablit Antioche, veut secourir Édesse, que pressaient les Perses, perd une bataille et demande la paix. Sapor lui propose une entrevue, il l'accepte et demeure prisonnier d'un ennemi sans foi. La simplicité n'est admirable qu'autant qu'elle est unie à la grandeur, autrement c'est l'allure d'un esprit borné. Valérien était un homme sincère, de même qu'il était un homme nul. Ses vertus avaient le caractère de sa médiocrité. En sa personne furent expiés la honte et le malheur de tant de rois humiliés au Capitole. Enchaîné et revêtu de pourpre, il prêtait sa tête, son cou et son dos en guise de marchepied à Sapor lorsque celui-ci montait à cheval. Sapor croyait à tort fouler la puissance. L'empire persan ne s'était pas élevé, c'était l'empire romain qui s'était abaissé. Valérien mort, sa peau empaillée, tannée et teinte en rouge, resta suspendu pendant plusieurs siècles aux voûtes du principal temple de Perse. Qu'est-ce que la vue de ce trophée fit au monde ? Rien. Galien lui-même, regardant le malheur comme une abdication, se contenta de dire « Je savais que mon père était mortel ». Il prit l'autre moitié de la pourpre que Valérien avait laissée, comme on dérobe le linceul d'un mort. Il existe de très belles médailles de Valérien, représentant une femme couronnant l'empereur avec ces mots « Restitoris orientis ». La fortune démentit l'effronterie de cette adulation. Galien ne songea ni à racheter, ni à venger son père. Il en fit un dieu, cela coûtait moins. L'Empire présente à cette époque un spectacle affreux, mais singulier. C'était comme une scène anticipée du Moyen-Âge. Jamais depuis les beaux jours de la République, on avait vu à la fois tant d'hommes remarquables. Ces hommes, nés des événements qui forcent les talents à reprendre leur souveraineté naturelle, ne possédaient pas les vertus des Caton et des Brutus. Mais, fils d'un autre siècle, ils étaient habiles et aventureux. Rentrés malgré eux sous la tente, ces Romains de l'Empire avaient repris quelque chose de viril par la fréquentation des mâles générations des barbares. 30 ou plus sûrement 19 tyrans parurent pendant les règnes de Valérien et de Galien. En Orient, Cyriade, Macrien, Baliste, Odéna et Zénobie. En Occident, Posthume, Locquien, Victorin et sa mère Victoria, Marius et Tétricus. En Illyrie et sur les confins du Danube, Ingénus, Régilien et Auréole. Dans le Pont, Saturnin. En Isaurie, Trébélien. En Thessalie, Pison. Valence, en Grèce. En Égypte, Émilien. Celsus, en Afrique. La plupart de ces prétendants qui défendirent l'Empire contre les ennemis du dehors et qui se le voulurent approprier auraient été des princes capables. Macrien, vieillard rusé, politique et hardi, était estropié. Il faisait porter les ornements impériaux par ses deux fils, jeunes et vigoureux, au lieu de les traîner lui-même. Odéna, qui repoussa Sapor et vengea Valérien, est encore plus connu par sa femme Zénobie et par le rhéteur Longin. Baliste, Ingénus, était d'illustres capitaines. On donnait à Calfornius Pison le nom d'homme. Régilien fut si renommé que le Sénat lui décerna les honneurs du triomphe malgré sa révolte contre Galien. Posthume, qui étendit sa domination sur les Gaules, l'Espagne et peut-être la Grande-Bretagne, eut du génie. Son successeur, Victorin, possédait de grands talents, mais avec la faiblesse qui souvent les accompagne, l'amour des femmes. Victoria, mère de Victorin, qui se donnait le titre d'Auguste et de mère des armées, fut la Zénobie des Gaules. Celle-ci disait d'elle « J'aurais voulu partager l'Empire avec Victoria, qui me ressemble. » Il n'y eut pas jusqu'à l'armurier Marius, élevé au rang d'Auguste par Victoria, qui ne se trouva être un partisan de caractère. « Ami, dit-il à ses compagnons d'armes devenus ses sujets, on me reprochera mon premier état, plaise aux dieux, que je ne sois jamais amolli par le vin, les fleurs et les femmes. Qu'on me reproche mon état d'armurier, pourvu que les nations étrangères apprennent par leur défaite que j'ai appris à manier le fer. Je dis ceci parce que la seule chose que pourra me reprocher Galien, cette peste impudique, c'est que j'ai fabriqué des armes. » Marius fut tué par un soldat, jadis ouvrier dans sa boutique, qui lui passa son épée au travers du corps en lui disant « C'est toi qui l'as forgé. » Après la mort de Marius, Victoria ne s'effraya point. Cette Gauloise fit encore un empereur, Tétricus, gouverneur de l'Aquitaine, qui prit la pourpre à Bordeaux. De ces divers tyrans, un seul était sénateur, et Pison seul était noble. Il descendait de Numa par ses pères. Ses alliances lui donnaient le droit de décorer ses foyers des images de Crassus et de Pompée. Les Calfurniens avaient échappé aux proscriptions. On les retrouve consuls depuis Auguste jusqu'à Alexandre Sévère. Rome se couvrait de plantes nouvelles. Quand ses vieilles souches poussaient quelques rejetons, ils se flétrissaient vite et ne se renouvelaient pas. D'autres hommes de mérite, tels qu'Aurélien, Claude et Probus, servaient Galien en attendant la souveraine puissance. Lui-même offrait un caractère sinon estimable, du moins peu commun. Orateur et poète, Galien était indifférent à tout, même à l'Empire. Lui apprenait-on que l'Égypte s'était révoltée, eh bien, disait-il, nous nous passerons de l'un. La Gaule et l'Asie sont perdues, nous renoncerons à l'Afronitre, nous ne porterons plus de sagoum d'Arras. Mais ne touchez pas au plaisir de Galien. Si le bruit d'une rébellion ou d'une invasion trop voisine menace sa paix, il court aux armes, déploie de la valeur, écarte le danger, et se replonge avec activité dans sa paresse. Féroce, pour conserver son repos, il écrivit à l'un de ses officiers, après la révolte d'Ingenus en Illyrie, « N'épargnez pas les mâles, quel que soit leur âge, enfants ou vieillards. Tuez quiconque s'est permis une parole contre moi. » Il condamnait à mort 4 ou 5 000 soldats rebelles, tout en bâtissant de petites chambres, avec des feuilles de roses et des modèles de forteresses avec des fruits. Un marchand avait vendu des perles de verre à l'impératrice pour de vraies perles. Galion le condamne à être jeté aux bêtes et fait lâcher sur lui un chapon. À chaque nouvelle désastreuse, Galien riait, demandait quels seraient les festins, les jeux du lendemain et de la journée. Le monde périssait et il composait des vers pour le mariage de ses neveux. Allez, aimables enfants, soupirez comme la colombe, embrassez-vous comme le lierre, soyez unis comme la perle et la nacre. Il philosophait aussi. Il accordait à Plotin une ville ruinée de la Campanie pour y établir une république selon les lois de Platon. Au milieu de la société croulante, couchée à des banquets parmi les femmes, cette Horace impériale ne voulait de la vie que le plaisir. Tout fut troublé sous son règne, excepté sa personne. Il ne maintenait le calme autour de lui, et pour lui, qu'à la longueur de son épée. Représentez-vous l'État en proie aux diverses usurpations, les tyrans se battant entre eux, se défendant contre les troupes du prince légitime, repoussant les barbares ou les appelant à leur secours. Ingenus avait un corps de Roxolan à sa solde, posthume un corps de Franc. On ne savait plus où était l'Empire. Romains et barbares, tout était divisé, les aigles romaines contre les aigles romaines, les enseignes des Goths opposées aux enseignes des Goths. Chaque province reconnaissait le tyran le plus voisin. Dans l'impossibilité d'être protégé par le droit, on se soumettait aux fêtes. Un lambeau de pourpre faisait le matin un empereur, le soir une victime, l'ornement d'un trône ou d'un cercueil. Saturnin, obligé d'accepter la souveraine puissance, s'écria « Soldats, vous changez un général heureux pour faire un empereur misérable. » Et à travers tout cela, des jeux publics, des martyrs, des sectes parmi les chrétiens, des écoles chez les philosophes, où l'on s'occupait de systèmes métaphysiques au milieu des cris des barbares. La peste, continuant ses ravages, emportait dans la seule Rome 5 000 personnes par jour. Disette, famine, tremblement de terre, météores, ténèbres surnaturelles, révolte des esclaves en Cilicie, rébellion des Isauriens qui renouvelèrent la guerre des anciens pirates, tumulte effroyable à Alexandrie. Chaque édifice dans cette immense cité devint une forteresse, chaque rue un champ de bataille, une partie de la population périt et le Brachion resta vide. Et parmi ces calamités, il faut encore trouver place pour la suite de la grande invasion des Goths. Sapor, rentrant dans l'Asie romaine, reprit Antioche, s'empara de Tarse en Cilicie et de Césarée en Cappadoce. Des Goths se jetèrent sur l'Italie, d'autres Goths et d'autres Scythes sortirent une troisième fois du pont Euxin, assiégèrent Thessalonique, ravagèrent la Grèce, pillèrent Corinthe, Sparte, Argos, villes depuis longtemps oubliées, qui apparaissent dans ce siècle comme le fantôme d'un autre temps et d'une autre gloire. En vain, Athènes avait rétabli ses murailles, renversées par Lysander et Scylla. Un Goth voulut brûler les bibliothèques, un autre s'y opposa. « Laissons, dit-il, à nos ennemis ces livres qui leur ôtent l'amour des armes. » La patrie de Thémistocle fut cependant délivrée par Texippe l'historien, surnommé le second Thucydide, et le dernier des Grecs dans ses âges moyens et dégénérés. Athènes revoyait les barbares. Du temps des Perses, ses grands hommes la sauvèrent. Ses chefs-d'œuvre n'ont point permis aux Goths de faire périr sa mémoire. Enfin, les Goths allèrent brûler le temple d'Éphèse, cette fois sorti de ses ruines, et toujours plus beau. Il ne se releva plus. Un conseil éternel amenait des désastres irréparables. Il s'agissait, non de la conservation des monuments, mais de la fondation d'une nouvelle société. Partout où le polythéisme avait mis des dieux, un destructeur se présenta. Chaque temple païen vit un homme armé à ses portes. La Providence n'arrêta la torche et le levier que quand la race humaine fut changée. Toutefois, l'heure finale n'étant pas sonnée, il y eut repos. Odéna vainquit Sapor et soulagea l'Asie. Posthume contint les nations germaniques. Les autres ennemis furent repoussés tantôt par les tyrans, tantôt par les généraux des empereurs. Les tyrans eux-mêmes s'entre-détruisirent, et lorsque Claude parvint au pouvoir, il ne trouva plus à combattre que Tétricus dans les Gaules et Zénobie en Orient. Elle s'était déclarée indépendante après qu'Odéna eût été massacrée dans un festin. Auréole, ayant pris la pourpre en Italie, le bruit de cette usurpation pénétra jusqu'au fond du palais de Galien, qui s'en importuna. Il quitte ses délices et assiège Auréole dans Milan. Une flèche, lancée en trahison, le tue, lorsqu'à peine armé il courait à cheval, l'épée à la main, pour repousser une sortie. Martien, qui venait de battre les Goths en Illyrie, était le principal chef de cette conspiration. Une innovation de Galien resta. Il interdit aux sénateurs le service militaire, soit que l'usurpation de Pison l'eût plus alarmé que les autres, soit que le Sénat, en repoussant un parti de barbares qui s'était avancé jusqu'à la vue de Rome, eût agi avec trop de vigueur. Alors s'établit la distinction d'homme de robe et d'homme d'épée. Les sénateurs formèrent un corps de magistrature dont les membres, ignorés du soldat, perdirent toute influence sur l'armée. Ils murmurèrent d'abord, mais ensuite leur lâcheté regarda comme un honneur le droit qu'elle obtint de se cacher. L'édit de Galien acheva de rendre militaire la constitution de l'Empire et prépara les grands changements de Dioclétien. Claude II, désigné à la pourpre par Galien, le remplaça. Les grandeurs avaient cessé d'imposer, tout était jugé, apprécié, connu. On tuait les princes comme d'autres hommes, et cependant chacun voulait être souverain. Jamais on ne fut aussi rampant, aussi prosterné, au pied du pouvoir, qu'au moment où l'on n'y croyait plus. Le Sénat confirma l'élection de Claude et se porta aux dernières violences contre les amis et les parents de Galien. Il ne faut pas croire que ces décisions du Sénat fussent le résultat de raisons graves mûrement examinées. Ce n'étaient que les acclamations d'un troupeau d'esclaves qui se hâtaient de reconnaître leur servitude, comme si, entre deux règnes, ils eussent craint d'avoir un moment de liberté. Assemblés en tumulte au temple d'Apollon, ils ne se purent réunir assez longtemps au Capitole à cause d'une fête de Cybèle, les sénateurs s'écrièrent « Auguste Claude, que les dieux vous conservent pour nous !» Cette acclamation fut répétée 60 fois. « Claude Auguste, c'est vous ou votre pareil que nous avions toujours souhaité !» 40 fois. « Claude Auguste, la République vous désirait !» 40 fois. « Claude Auguste, vous êtes un père, un frère, un ami, un excellent sénateur, un empereur véritable. 80 fois. Claude Auguste, délivrez-nous d'Auréole. 5 fois. Claude Auguste, délivrez-nous de Zénobie et de Victoria. 7 fois. Et c'étaient là les héritiers d'un sénat de rois. Claude extermina en Macédoine une armée de Goths et coula à fond leur flotte composée de 2000 barques. Parmi les prisonniers, il se trouva des rois et des reines. Les vaincus furent incorporés dans les légions ou condamnés à cultiver la terre. Claude, surnommé le Gothique, ayant triomphé, mourut. Son frère, Quintilius, prit la pourpre en Italie et se tua au bout de 17 jours. Aurélien, autre soldat de fortune, reçut l'Empire à la recommandation de Claude. Sa mère était prêtresse du soleil dans un village de l'Illyrie où son père était colon d'un sénateur romain. Passionné pour les armes et toujours à cheval, vif, ardent, cherchant querelles et aventures, ses camarades lui avaient donné le nom d'Aurélien l'épée à la main, pour le distinguer d'un autre Aurélien. C'est le premier Romain, comme je vous l'ai dit, qui eut affaire aux Francs. Aurélien, devenu chef souverain, rencontra 2 ennemis redoutables, 2 femmes, Victoria la Gauloise, Zénobie la Palmyrienne. Victoria mourut lorsque Aurélien passa dans les Gaules. Il ne trouva plus que son ouvrage, le tyran Tétricus, qui trahit ses soldats et se rendit à Aurélien. Zénobie s'était emparée de l'Égypte. Aurélien marcha contre elle, l'abattit à Émèse, l'assiégea dans Palmyre et la fit prisonnière lorsqu'elle fuyait. Palmyre fut livrée au pillage et le philosophe Longin condamné à mort pour le courage de ses conseils. Tous les tyrans détruits, l'Égypte soumise, la Gaule pacifiée, l'empereur voulut triompher à Rome. Avant de marcher en Orient, il avait délivré l'Italie d'une espèce de ligue des Alamans, des Marcomans, des Jutongues et des Vandales. Ce fut à l'occasion de ces courses de barbares qu'Aurélien fit relever ou plutôt bâtir les murailles de Rome. Jadis, les 7 collines, dans une circonférence de 13 000, avaient été fortifiées. Mais Rome, se répandant au dehors avec sa puissance, ajouta par d'immenses et magnifiques faubourgs plusieurs villes à l'antique cité. Zosime écrit que du temps d'Aurélien, l'ancienne clôture était tombée. Celle de cet empereur ne fut achevée que sous Probus, et il paraît qu'on y travaillait encore sous Dioclétien. On voit aujourd'hui mêlés aux constructions subséquentes quelques restes des constructions d'Aurélien. Les murailles de Rome ont-elles seules donné lieu à une curieuse histoire où les infortunes de la ville éternelle sont comme tracées par son enceinte? Rome s'est pour ainsi dire remparée de ses calamités. 1 siècle et demi devait encore s'écouler avant qu'elle subît le joug des barbares et déjà Aurélien élevait les inutiles bastions qu'il devait franchir. Aurélien, dans son triomphe, outre une multitude de prisonniers goths, alains, allemands, vandales, roxolans, sarmates, suèves, francs, traînait après lui Tétricus, sénateur romain, revêtu de la pourpre impériale, et Zénobie, reine de Palmyre. Elle était si chargée de perles qu'elle pouvait à peine marcher. Les grands de sa cour, captifs comme elle, la soulageaient du poids de ses chaînes d'or. Aurélien était monté sur un char traîné par 4 serfs, autre espèce de dépouilles et de richesses d'un roi goth. Ce char allait attendre Alaric au Capitole. Aurélien donna à Tétricus le gouvernement de la Lucanie en échange de l'Empire. Tétricus n'avait pas le génie de Victoria, il se contenta d'être heureux. Quant à Zénobie, vous savez qu'elle était peut-être juive de naissance. Longin fut son maître de lettres grecques et de philosophie. Elle avait composé à son usage une histoire abrégée de l'Orient. Elle inclinait au sentiment des Hébreux touchant la nature de Jésus-Christ. On l'accuse d'avoir fait mourir le fils qu'Odéna avait eu d'une autre femme et peut-être Odéna lui-même. Elle eut 3 filles et 3 fils, dont l'un, Vabala, devint roi d'un canton inconnu en Asie. Ses 3 filles, captives avec elle, se marièrent, et saint Zénobe, évêque de Florence, du temps de saint Ambroise, descendait de la reine de Palmyre. Le courage de Zénobie se démentit avec la fortune. Elle demanda la vie, en pleurant. La belle élève du magnanime Longin ne fut plus à Rome que la délatrice de quelques sénateurs entrés dans une conjuration vraie ou supposée contre Aurélien. Elle habitait une maison de campagne à Tibur, non loin des jardins d'Adrien et de la retraite d'Horace, laissant, avec un nom célèbre, des ruines qu'on va voir au désert. Aurélien était naturellement sévère. La prospérité le rendit cruel. Il ne voulait pas que le soldat prît une seule poule aux laboureurs. Il disait que les guerriers doivent faire couler le sang des ennemis et non les pleurs des citoyens. Beau sentiment et noble maxime. Il eut à soutenir une singulière guerre au sein même de Rome, la guerre des Monnoyeurs, qui lui tuèrent 7000 soldats dans un combat sur le mont Coelius. Les châtiments que l'empereur faisait infliger étaient affreux. Il méditait une persécution générale contre les chrétiens. Et lorsqu'il se rendit en Orient, dans le dessein de porter la guerre chez les Perses, il fut tué par les officiers de son armée entre Héraclée et Byzance. Le monde demeura 7 mois sans maître. Le Sénat et l'armée se renvoyèrent le choix d'un empereur. L'un refusait d'user de son droit, l'autre de sa force. Les deux derniers souverains avaient tellement affermi l'État que rien ne bougea, mais Rome ne reprit pas sa liberté. Qu'en eût-elle fait ? Claudius Tacite, sénateur âgé de 75 ans, fut enfin proclamé par le Sénat. Telle est la souveraineté naturelle du génie. Il n'y a point d'homme qui ne préférât aujourd'hui avoir été Tacite l'historien à Tacite l'empereur. Celui-ci sembla craindre la marque dont son aïeul avait flétri les tyrans. Il vécut sur la pourpre comme en présence et dans la frayeur du peintre de Tibère. L'empereur rendit au Sénat quelques-unes de ses prérogatives, et le Sénat, dans sa décrépitude corrompue, crut voir renaître la chaste enfance de la République. Tacite, allant se mettre à la tête de l'armée en Thrace pour repousser une attaque des Alains à qui les Romains avaient manqué de foi, mourut de fatigue ou fut tué à Tarse ou à Tyane ou dans le pont, selon les versions différentes des historiens. Peu de temps avant sa mort, la tombe de son père s'était ouverte, il avait vu l'ombre de sa mère. Le tombeau de nos pères s'ouvre toujours pour nous, mais il y a ici quelques souvenirs confus du sépulcre d'Agrippine. Le génie de l'historien dominait l'imagination de l'empereur. Florien, frère de Tacite, se fit déclarer auguste en Asie, probus en Orient. Une guerre civile de 2 ou 3 mois termina la lutte en faveur du dernier. La défaite des Francs, des Bourguignons, des Vandales, des Logions ou Liges, qui s'étaient emparés des Gaules, signala le commencement du règne de Probus. Il tua 400 000 barbares, délivra ou rétablit 70 villes, transporta dans la Grande-Bretagne des colonies de prisonniers, soumit une partie de l'Allemagne, obligea les peuples vaincus à se retirer au-delà du Neckar et de l'Elbe, de payer aux Romains un tribut annuel en blé, vaches, brebis, et de prendre les armes pour la défense de l'Empire contre des nations plus éloignées. Enfin, il bâtit un mur de 200 000 de longueur, depuis le Rhin jusqu'au Danube. Probus conçut le plan régulier de défendre l'Empire contre les barbares, avec des barbares. Quand la République réunissait des peuples à ses domaines, elle leur apportait la vertu en échange de la force qu'elle recevait d'eux. Que pouvaient les Romains du siècle de Probus pour les barbares ? Une poignée de Francs auxiliaires que Probus avait relégués sur le rivage du pont Euxin s'ennuyèrent. Ils s'emparèrent de quelques barques, franchirent le Bosphore, désolèrent les côtes de la Grèce, de l'Asie et de l'Afrique, prirent et pillèrent Syracuse, entrèrent dans l'océan et, après avoir côtoyé les Espagnes et les Gaules, vinrent débarquer dans leur patrie aux embouchures du Rhin, laissant le monde étonné d'une audace qui annonçait un grand peuple. Probus passa en Égypte, défit dans la Thébaïde les Blémies, sauvages d'Éthiopie, dont on ne sait presque rien. De là, il marcha contre les Perses, assis à terre sur l'herbe, au haut d'une montagne d'Arménie, mangeant dans un pot quelques pois chiches, habillé d'une simple casaque de laine teinte en pourpre, la tête couverte d'un chapeau parce qu'il était chauve, sans se lever, sans discontinuer son repas, Probus reçut les ambassadeurs étonnés du grand roi. Il leur dit qu'il était l'empereur, que si leur maître refusait justice aux Romains, il rendrait la Perse aussi nue d'arbres et d'épis que sa tête l'était de cheveux. Et il ôta son couvre-chef. « Avez-vous faim ? » ajouta ce Popilius de l'Empire. « Partagez mon repas, sinon retirez-vous. » Probus donna des terres en Thrace à 100 000 bastarnes, nations scythes ou gothiques, qui s'attachèrent au sol. Il en avait partagé d'autres aux Gépides, aux Jutongues, aux Vandales, aux Francs. Tous ceux-ci se soulevèrent à divers intervalles. On peut fixer au règne de Probus la fin de la première grande invasion des barbares, bien que les mouvements s'en fissent encore sentir sous Carus, Carin, Numérien, et qu'ils se prolongeassent sous Dioclétien jusqu'à l'avènement de Constantin à l'Empire. Probus, délivré des guerres étrangères, étouffa les révoltes de Saturnin, de Proculus et de Bonos. Dans le retour d'une si grande paix, il affirmait qu'on n'aurait bientôt plus besoin d'armée. Il occupa les troupes oisives à planter des vignes dans la Pannonie, la Mésie et les Gaules, et selon Vaubiscus, jusque dans la Grande-Bretagne. On croit que la Bourgogne lui était redevable de ses premières richesses. Probus, guerrier si digne du sceptre, n'en fut pas moins tué par ses soldats dans une guérite de fer, d'où il surveillait les légions employées au dessèchement des marais de Sirmiche, sa patrie. Carus, qui vint après Probus, était né à Narbonne, selon les deux Victors. Il se disait originaire de Rome, et il n'est pas sûr qu'il vit jamais cette capitale du monde dont il était souverain. Il fut foudroyé après des victoires remportées sur les Perses, non loin de Ctésiphon qu'il avait pris. Quand la guerre fatiguée discontinuait le meurtre de ses princes, le ciel s'en chargeait. Les fils de Carus, Carin et Numérien, reconnus empereurs, célébrèrent à Rome les Jeux romains que Calpurnius ou Calfurnius, poète oublié comme ses Jeux, a chanté. Numérien, revenant de la Perse, fut tué par Aper, préfet du prétoire, dont il avait épousé la fille. Montesquieu remarque que les préfets du prétoire étaient à cette époque auprès des empereurs ce que sont les vizirs auprès des sultans. Le jeune prince avait versé tant de larmes sur la mort de son père que sa vue en était affaiblie. On le portait dans une litière au milieu des légions. Aper, qui convoitait la pourpre, s'était trop hâté, son forfait avait devancé ses brigues. Le cadavre de Numérien, assassiné dans la litière fermée, tomba en pourriture avant que le meurtrier eût pu s'assurer du suffrage des soldats. La présence du crime et le néant des grandeurs humaines furent dénoncés par l'odeur qui s'en élevait. L'armée tint un conseil en Chalcédoine afin d'élire le chef de l'État. Dioclétien, qui commandait les officiers militaires du palais, fut choisi. Tout aussitôt, descendant de son tribunal, il perce Aper de son épée et s'écrie « J'ai tué le sanglier fatal ». Une druidesse de Tongres lui avait promis l'Empire quand il aurait tué un sanglier, en latin « Aper ». À cette élection du 17 septembre 284, commença l'ère fameuse dans l'Église, connue sous le nom de l'ère de Dioclétien ou des martyrs. Dioclétien livra divers combats à Carin, dont les mœurs rappelaient celles des princes déréglés prédécesseurs des empereurs militaires. Carin triompha, mais ses soldats victorieux lui ôtèrent la vie à l'instigation d'un tribun dont il avait déshonoré la couche. Ils se soumirent à Dioclétien. Vous aurez à considérer plusieurs choses sous le règne des derniers empereurs, Gallus, Émilien, Valérien, Gallien, Claude, Aurélien, Tacite, Probus, Carus et ses fils par rapport aux chrétiens. Bien que tous les évêques portassent le nom de pape, l'unité de l'Église s'établissait. Un traité de Saint-Cyprien la recommande. Gallus et Valérien excitèrent des persécutions. Outre ces persécutions générales, il y en avait de particulières. Les empereurs, ayant publié des édits contradictoires au sujet de la religion nouvelle, et ces édits ne s'abrogeant pas mutuellement, il arrivait que les délégués du pouvoir, selon leur caractère, leurs principes et leurs préjugés, usaient de la tolérance ou de l'intolérance de la loi. Les papes Corneille, Étienne, Sixte II succombèrent. Celui-ci avait transporté les corps de Saint-Pierre et de Saint-Paul dans les catacombes qui servaient de temples et de tombeaux aux chrétiens. En parlant des mœurs des fidèles, je vous raconterai quelque chose du martyr de Saint-Laurent. Cyprien eut la tête tranchée à Carthage. 300 chrétiens sans nom égalèrent à Utique la fermeté de Caton. Ils furent précipités dans une fosse de chaux vives. Théogène, évêque, souffrit à Hippone, Fructueux à Tarragone, Paturin à Toulouse, Denis à Lutèce, première illustration de cette bourgade inconnue. Comme un arbre dans le clos des morts, le christianisme poussait vigoureusement dans le champ des martyrs. Grégoire le thaumaturge, près d'expirer, demande s'il reste encore quelques idolâtres dans la ville épiscopale. On lui répond qu'il en reste 17. Je laisse donc à mon successeur autant d'infidèles que je trouvais de chrétiens à Néo-Césarée. Les barbares, en entrant dans l'Empire, étaient venus chercher des missionnaires. Les envoyés de la miséricorde de Dieu allèrent au-devant des envoyés de sa colère pour la désarmer. Des évêques, la chaîne au cou, guérissaient les malades en prêchant la sainte parole. Les maîtres prenaient confiance dans ces esclaves médecins. Ils se figuraient obtenir par eux la victoire et demandaient le baptême. Les prisonniers se changeaient en pasteurs. Des églises nomades commençaient au milieu des hordes guerrières, rentrées dans leurs forêts comme sous leurs tentes. Ces diverses nations se combattaient les unes les autres, se formaient en confédérations, dissoutes et recomposées selon les succès et les revers. Gens féroces qui brisaient tous les joues et se soumettaient aux freins de quelques prêtres captifs. De tous les corps de l'État, l'armée romaine était celui où le christianisme faisait le moins de progrès. Les chrétiens répugnaient à l'enrôlement parce qu'ils regardaient les festins, la mesure et la marque comme mêlées de paganisme. Maximilien, appelé au service, disait au proconsul Dion à Thébeste, en Numidie, « Je ne recevrai point la marque, j'ai déjà reçu celle de Jésus-Christ. » D'une autre part, le légionnaire attaché à ses aigles renonçait difficilement à l'idolâtrie de la gloire. Les hérésiarques et les philosophes continuèrent leur succession. Manès, avec sa doctrine des deux principes, Plotin et Porphyre, beaux esprits, ennemis du Christ. Dioclétien associa Maximien au pouvoir suprême et nomma deux Césars, Galère et Constance. L'Orient et l'Italie tombaient dans le département des Augustes. Les Césars eurent la garde du Danube et du Rhin, en deçà desquels se plaçaient les provinces de l'Occident. La possession romaine se trouva divisée entre quatre despotats, ce qui prépara la séparation finale des deux empires d'Orient et d'Occident. L'armée, obéissant à quatre chefs, n'eut plus assez de force pour les créer. Il n'y eut plus assez de trésors dans l'une des quatre divisions territoriales pour fournir à un usurpateur le moyen d'acheter l'élection. Dioclétien diminua le nombre des prétoriens et leur opposa deux nouvelles cohortes, les Joviens et les Herculiens. Mais ce qui fit la sûreté du prince causa la ruine de l'État. Ces légions, qui choisissaient les empereurs, repoussaient en même temps les barbares. C'était une république militaire qui se donnait des maîtres nationaux et n'en voulait point d'étrangers. Lorsque Dioclétien eut opéré ces changements, lorsque Constantin, continuant la même politique, eut cassé les prétoriens, lorsque, au lieu de deux préfets du prétoire, il en eut nommé quatre, lorsqu'il eut rappelé les légions qui gardaient les frontières pour les mettre en garnison dans le cœur de l'Empire, le règne des légions expirant, le pouvoir domestique prit naissance. Le droit d'élection fut partagé entre les soldats et les eunuques. La liberté romaine, qui avait commencé dans le Sénat, passait au forum, traversait l'armée, alla s'enfermer dans le palais avec des esclaves à part de la race humaine. Geôliers de la liberté qui n'avaient pas même la puissance de perpétuer dans leur famille la servitude héréditaire.